C'est sans dos. À court de verre lassé, je sens dehors. Et regarde personne au dos des persiennes. J'avance dans la rue, comme dans l'arène. Les commerçants et les passants suivent mes pas, parlent de moi. Mes voisins cachés aux fenêtres chuchotent et hochent la tête. La ville résonne de leur saviez-vous. Madame, je sais tout. Des mots persiflants sifflent dans ma tête. Des coups de fil anonymes dénoncent mes gestes. La délation sous mon toit, mes chers voisins, veillez sur moi. I'm living in a country jail, where every neighbor is my warden. They're watching me so curiously from the windows and their guards. Observe me, look at me, watch me.